Allez leur dire de notre part que personne ne nous arrête, que notre musique est un rempart sur lequel se brisent toutes les tempêtes. Je suis un auteur contemporain, au statut d'intermitteux. Pas de baillon ni de grève, j'évite les propos pâteux. Liberté, c'est bien trouvé, comme lorsque nous ne pouvions pas bouger, prisonniers derrière nos barbelés, dans vos chers camps d'été, toute Mais la nuit. Mais qui Narcisse, est-il le père? Il y a beaucoup trop de ses fils Mais sur terre. Mais je suis pauvre. Et je n'ai plus que mes rêves. Je suis le type, c'est genre un type, c'est le type qui fait un petit pas, le type qui fait sans c'est pétard. C'est pour toute la jeunesse, parce que je crois en nous, Sancho et petit S, parce que l'on J'ai croit en vous. J'ai pris des barres de rire dans un bar, puis vient le coup de barre, et je me barre en me disant bande de barbares, à barboter dans la bière, et parler de nibar comme de la barbac, moi ça me rend barre. Pour le retour, fais attention, il y a plein de radars automatiques, le long de la route qui te ramènera, de l'autre côté du périphérique. J'ai déroulé mes rêves sous tes pieds. Marche doucement, parce que tu marches sur mes rêves. Va. Rapporte-leur ceci. Rapporte-leur ceci. C'est quoi, c'est qui, ces mecs chelous qui viennent pour raconter leur vie? C'est elle, c'est lui, c'est moi, c'est nous, on vient même si t'as pas envie. Mais si t'écoutes un tout petit bout, peut-être bien que t'en sortiras ravi. Et ça, c'est important pour nous, c'est grâce à ça qu'on se sent en vie. J'aime ces attaques un peu surprises, c'est un attentat verbal. On a faim de se faire entendre, moi j'ai l'appétit cannibale. Certains diront que c'est un peu naze et d'autres que c'est franchement de la balle. Quoi qu'il se passe, on poursuivra, mais crois pas que ton avis m'est égal. Capable de faire irruption, dans des endroits inattendus, dans des bars et des théâtres, tu nous as déjà entendus. Mais on a déboulé aussi dans des collèges, dans des lycées, dans des squares ou dans la rue, on a posé, toi-même tu sais. Le principe est clair, lâcher des textes là où et quand tu t'y attends pas. Claquer des mots un peu partout et que ça pète comme un attentat. Dans des salles ou en plein air, laisser des traces, faire des ravages. Va demander aux 129H ce qu'on appelle le slam sauvage. On pose des textes énervés ou de jonpies sentimentales. On aborde un peu tous les thèmes avec ou sans instrumental, mentalement prêt à proposer partout un intermède vocal, une interruption sonore, un homicide amical. Si je vois de l'écoute dans tes yeux, je voudrais te dire merci. Et tu pourras me croiser partout sauf sur la scène de Bercy. J'ai des paroles pour te réveiller et j'en ai pour te bercer. Et je te les offre sous les projecteurs ou dans le RERC. Le plaisir de capter des regards un peu déstabilisés. Qui se disent cela, ils ont pas peur de se ridiculiser. Le plaisir de capter des regards parfois remplis d'émotions. Dans ces cas-là, on sait qu'on a passé le test avec mention. On prend la parole à l'apéro et on la prend au dessert. Même si les plus sceptiques nous disent « mais à quoi ça sert ?» À pas grand-chose, c'est vrai, j'avoue, si ce n'est à partager. Des bons mots, des bons moments et des lyriques enragés. C'est un poème, c'est une chanson, c'est du rap ou du slam. Ferait tellement plaisir qu'après ce texte tu t'enflammes. Appelle ça un égo trip ou appelle ça du freestyle. On est solide comme de la brique et fragile comme du cristal. Les mots sont nos alliés, on les aime comme maître capello. Puis on les laisse envoler en musique ou a cappella. Et comme des flèches y tracent lancées par nos cordes vocales. Puis on les entend résonner comme une bombe dans un bocal. On arrive comme un accident dans des endroits insolites. Tu nous verras souvent en groupe, on vient rarement en soliste. Et même si tu te sens à l'abri, faut jamais que tu t'emballes. Tu peux subir à tout moment un attentat verbal. Maintenant tu sais qui c'est, ces mecs chelous qui viennent pour raconter leur vie. C'est elle, c'est lui, c'est moi, c'est nous, on vient même si t'as pas envie. Mais si t'écoutes un tout petit bout, peut-être bien que t'en sortiras ravi. Et ça c'est important pour nous, c'est grâce à ça qu'on se sent en vie.